Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumé du Pré 1860. Question 113. De la garde des bons anges. Il y a des anges gardiens, chaque homme a le sien, de quel ordre ils sont, leur vigilance, leurs soins, leur lutte. 1. Les hommes sont-ils gardés par les anges? Il est écrit, il a donné ordre à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Psaume 90, 11. Il y a donc des anges qui gardent les hommes. Il est évident que, dans le cours de la vie, notre intelligence et notre volonté peuvent beaucoup varier et s'écarter par là même du bien. C'est pour cela qu'il a été nécessaire que les hommes fussent confiés à la garde des anges. Note. Nous repoussons souvent l'impulsion des bons anges qui nous illuminent intérieurement. Les hommes qui périssent doivent imputer leur perte à leur propre malice, et non à la négligence des anges. Fin de la note. 2. Chaque homme a-t-il un ange particulier? Telle est la dignité de nos âmes, dit saint Grégoire, que chacune des là, dès le premier instant de son existence, un ange préposé à sa garde. Il est certain que la divine providence prend un soin tout spécial des êtres qui doivent durer toujours. Elle a fait pour les hommes, dont l'âme est immortelle, ce qu'elle fait pour les gens et les espèces des choses corruptibles, elle leur a donné un ange particulier. 3. Les anges du dernier ordre sont-ils seuls préposés à la garde des hommes? La garde de chaque homme en particulier n'appartient qu'aux anges, c'est-à-dire aux esprits célestes du dernier ordre, mais la garde générale des hommes est confiée à d'autres, celle du genre humain appartient à l'ordre des principautés, ou peut-être à celui des archanges. Les vertus sont chargées du soin de toutes les choses corporelles. 4. Tous les hommes ont-ils un ange gardien? Tous les hommes ont un ange gardien pendant tout le cours de leur voyage vers la patrie céleste, à cause des dangers, soit intérieurs, soit extérieurs, dont le chemin de la vie est rempli, comme le marquent ces paroles. Mes ennemis ont tendu des pièges dans la voie où je marchais. Psaume 151, 4. C'est ainsi que l'on donne des guides aux voyageurs qui doivent suivre une voie périlleuse. Parvenus au dernier terme de cette vie, les hommes cessent d'avoir un ange pour les garder, mais ils retrouvent au ciel les anges pour compagnons de gloire, ou, dans l'enfer, les démons pour les punir. Note. Même avant son péché, Adam avait un ange gardien pour le défendre contre l'attaque des démons. Les infidèles eux-mêmes ne sont pas privés de la garde des anges. Fin de la note. 5. Un ange est-il préposé à la garde de l'homme dès sa naissance? Saint Jérôme dit expressément, toute âme, dès le premier instant de la vie, a un ange préposé à sa garde. C'est, en effet, à la naissance, et non au baptême, que nous recevons notre ange gardien. Au baptême, nous recevons les bienfaits divins à titre de chrétien, mais, à la naissance, nous sommes confiés à la garde d'un ange, à titre de nature raisonnable. 6. L'ange gardien abandonne-t-il quelquefois l'homme? La garde exercée par les anges n'étant que l'exécution du plan de la divine providence, qui ne délaisse jamais entièrement l'homme, on peut dire que notre ange gardien ne nous abandonne jamais totalement, quoiqu'il nous laisse parfois à nous-mêmes, selon les secrets jugements de Dieu, en empêchant ni certaines tribulations, ni le péché. On ne doit pas entendre autrement les paroles que nous lisons dans le prophète Jérémie, 51, 9. Nous avons pris soin de Babylone, et elle n'est pas guérie, abandonnons-la. Elle signifie que les anges n'éloignèrent pas les tribulations qui tombèrent sur cette ville. 7. Les anges s'affligent-ils des maux de ceux qu'ils gardent? Au ciel, ainsi que nous l'apprend saint Jean, il n'y a ni mort, ni tristesse, ni cri, ni douleur. Apocalypse 21. Donc nos péchés et nos malheurs ne sauraient attrister les anges, rien n'arrivant dans le monde sans être voulu ou permis par la justice divine. On peut dire que ce qui se fait ici-bas n'est contraire ni à leur volonté, ni à celle des bienheureux. Sans doute, absolument et généralement parlant, ils ne veulent ni les péchés, ni les peines des hommes, mais, du moment que Dieu nous éprouve par la douleur et nous laisse commettre le péché, ils s'y conforment. Note. Toutes les expressions de l'Écriture qui semblent attribuer la douleur aux anges sont des expressions figurées, elles signifient simplement que les anges veulent le salut des hommes. 8. Peut-il y avoir lutte entre les anges gardiens? Cette question se présente au sujet de ces paroles que le prophète Daniel met dans la bouche de l'ange Gabriel, « Le prince du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. » Daniel 10, 13. Ce prince, au sentiment de Saint Grégoire, n'était autre que le bon ange auquel la garde du royaume des Perses était confiée. Or, voici en quel sens les bons anges peuvent se résister les uns aux autres. Les jugements de Dieu sur les empires et sur les hommes sont exécutés par eux. Mais comme il arrive parfois que certains empires et certains hommes méritent d'être élevés, tandis que d'autres doivent être abaissés, les anges, à cet égard, ont besoin d'une révélation divine. Lors donc qu'ils consultent la volonté de Dieu sur des mérites qui se repoussent, on dit qu'il y a lutte entre eux, quoiqu'ils s'accordent toujours pour vouloir que la volonté de Dieu soit observée. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.